Christine, cristalline, c'est une voix, un rire qui retentit au cœur. Elle dit, la vie est dérisoire et magnifique. Elle est une fleur qui s'épanouit au rythme de la beauté qui brille, qui s'en va peut-être, mais la beauté n'a jamais de cesse. La clarté de la jeunesse, c'est ce que tu nous laisses à jamais. Kiki, c'est un rire léger, mais ton sourire nous laisse devant les bornes de nos vies. Celle auquel tu échappas par autant de fenêtres, par les rôles que tu vécus, toutes ces portes d'imaginaire, par cet illusionnisme magie auquel tu te livras. Autant d'appels que tu laisses de ce côté-là des choses, cette caverne dont tu aperçus les issues, toi qui es de l'autre côté maintenant. Tes yeux, c'était donc bien un feu de joie qui nous avait chauffé le cœur et dans nos âmes il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Voilà Christine, quand tu t'en vas et que la mort t'emporte là, tu nous demeures à travers ciel un rire éternel. Toi l'hôtesse qui sans façon nous donna tant d'air de joie quand dans nos vies il faisait fin, fin de lumière, fin de regard et fin d'amour. Il traverse les frontières du temps ce sourire que je vis pour la première fois il y a 25 ans, cette fluidité, cette tendresse, cette jeunesse. Les physiciens disent que l'espace-temps recèle à la fois le futur, le présent, le passé. Si cela est, mettons le curseur sur ton visage au moment choisi de notre pensée, la douce et belle insoumise, en révolte contre la justice, en combat pour tous les damnés de la terre. Catherine, la fiancée merveilleuse de Hans, le bûcheron avec qui tu captais le langage des oiseaux et des arbres, le chant du monde et l'amour vainqueur de la haine. Tu fus, tu es, la magnifique Sakuntala d'une légende profonde, une princesse à l'âme d'or, engloutie, perdue et retrouvée. Flamme d'un amour infini, naturel, surnaturel. Tu es cette princesse intense qui danse pour nous, l'âme d'or et le soleil qui désormais entoure ton visage lumière. Nous l'aurons à nous pour toujours. cette musique de Levon Minassian, un arménien de Marseille, son chant pour un monde à part, Song from a World Apart, interprété par Armand Ménard, t'accompagne bien Christine Kiki. Alors bien sûr, j'en dis un peu plus, vous le savez certainement, auditeurs, qui prenaient cette émission en route, si vous le savez, enfin c'était sur Facebook, annoncé. Christine Bourbon, dont on a entendu la voix tout à l'heure, lorsqu'elle était candidate de la France Insoumise, il y a 2 ans, Christine Bourbon donc, nous a quittés, tragiquement d'ailleurs. Je vous réfère à la presse ces jours derniers, bien que son nom n'ait pas été cité. Mais bon, voilà. Et demain, un grand hommage va lui être rendu par de nombreux amis. Il paraît même qu'il y a des textes d'elle. Ils seront rendus au Centre culturel de rue sur Moselle, donc demain 29 juillet, à 29 juin, pardon, à 14h, je crois, au Centre culturel. Et tous ceux qui veulent s'y associer sont donc conviés, tous ceux qui ont aimé ce visage souriant, ferme, heureux, qu'était Christine Bourbon. Voilà, c'est donc une émotion énorme. Et il y a déjà 8 jours qu'elle nous a quittés, mais bon, on est toujours dans le choc, c'est le cas de le dire. Alors, Christine, j'ai évoqué dans ce poème, qui normalement sera lu par une amie demain, puisque je ne pourrais pas être là, mais j'ai voulu faire cette émission. Christine Bourbon, c'était... la première fois que je l'ai vue, elle était à l'hôpital de jour, d'ailleurs, et elle voulait monter une pièce de théâtre avec des patients à l'hôpital de jour. Alors c'était 95, c'était le moment du centenaire du théâtre. J'avais écrit moi une pièce qui s'appelait Le peuple du théâtre, qui était une histoire du théâtre, un peu vu du côté populaire. Le peuple du théâtre, c'était un peu l'intention, avec cette idée un peu révolutionnaire aussi d'un théâtre qui se soulevait par le souffle du peuple. Voilà, c'était donc une option déjà engagée, si je peux dire. Et là, dans cette pièce, elle l'a mis en forme à l'hôpital de jour, avec un groupe assez fragile d'ailleurs, puisqu'on n'a eu que 2 représentations. L'une, c'était en juin 95, au centenaire. L'autre, c'était les deux en même temps. Mais du jour au lendemain, on avait un patient qui venait plus, donc c'était quand même la fragilité. Ça me rappelle aussi un metteur en scène regretté, Jean Aubac, qui avait mis en scène tous ces gens-là, et qui était remarquable aussi, Jean. Et donc Christine avait voulu cette mise en scène. Et dans l'édition du Peuple du Théâtre que j'ai faite avec Gérard Louis, une des rares pièces que j'ai éditées, d'ailleurs la seule pièce que j'ai éditée, Peuple du Théâtre, eh bien, je rends hommage à cette figure lumineuse de Christine. Et je lui... une luminosité qui ne s'est jamais démentie depuis. Alors dans cette pièce, en 95, elle était Camille Potcher, la femme de Maurice Potcher, bien qu'elle n'avait pas le physique, Camille était très très petite brune, antillaise, et Christine était belle, grande, mais dans son esprit et sa douceur, elle était sûrement beaucoup plus douce que la vraie Cam, mais elle l'a très bien interprétée avec tout l'esprit que cela impliquait. Alors elle a été donc dans cette pièce Tante Cam. Alors plus tard, je l'ai retrouvée, c'était en 95, alors bien plus tard, après l'avoir vue dans les stages de théâtre, après l'avoir vue applaudie au Théâtre du Peuple, où elle a été en 2000, elle a fait toute la saison du théâtre avec Christophe Rock. C'était le théâtre ambulant Chopalovitch. Bon, il a une expérience théâtrale, elle n'est plus là pour en parler. Mais en demi-teinte peut-être, voilà. Mais bon, elle a fait toute la saison du théâtre. Elle était, je me rappelle, elle avait un uniforme parfois, dans certains rôles. Toujours souriante, toujours heureuse à vivre et joyeuse. Puis après, plusieurs fois, dans les stages du théâtre du peuple, dans les rencontres auteurs amateurs que nous faisions à Rue notamment, mais un peu partout, à partir de 2009, ces rencontres qui d'ailleurs n'existent plus pour l'instant. Bon, il y a eu un hiatus, j'espère que ça reprendra. Mais enfin bon, c'est pas le propos de ce soir. Et donc, Christine a fait une saison au théâtre. Puis, par la suite, eh bien, elle s'est surtout impliquée dans la troupe CTPS, c'est-à-dire le théâtre de la miroiterie, très performant, dans de très bonnes pièces, dans de multiples pièces. Ce sera le sujet de ce soir, d'ailleurs. Et avec nous, avec la troupe Recré, du Recré à la montagne, bon, il y avait une gerbe de la France insoumise pour elle, près de son cercueil, à la rue Les Brasseries, et puis il y avait aussi une gerbe de Recréer, vivre, recréer à la montagne, qui est d'ailleurs le titre de notre émission ce soir, les vendredis soirs, une fois par quinzaine. Alors, Christine, donc, a continué à venir parfois à nos représentations sur des sollicitations particulières. C'est ainsi qu'en 2009, on a fait le Festival des Peuples, et c'était à Bussan, on a fait qu'une fois, c'est quelque chose d'assez gigantesque pour l'organisation, avec Recré bien sûr, mais Idéal 88, qui est l'association des associations de Bussan, et on avait monté une pièce de Maurice Potzer, qui bien sûr s'adaptait à cet esprit des peuples, sa Contala, qui est une adaptation de Kalidasa, un poète hindou du 5e siècle, adaptation par Maurice Potzer. Alors c'est une pièce assez particulière, on l'avait montée avec Sandrine Pires, Sandrine qui est toujours dans la région, qu'on voit au théâtre de l'Avent à Cernay, enfin dans les coins là, dans le Haut-Rhin, pas loin, à Vesserlin, au théâtre de poste de Vesserlin. Donc Sandrine avait monté cette pièce d'une façon un peu déjantée, puisque Maurice Potzer, bon, c'est une pièce très longue, et il avait repris la légende qui est très belle, il l'avait développée à la Maurice Potzer, c'est-à-dire en expliquant beaucoup pour les gens de l'époque, ça faisait donc cet acte, au moins, c'était, nous l'avions réduit à une heure. En fait, Sandrine nous avait mis un petit peu en situation, on avait mis en scène nos propres réflexions, où certains étaient partants pour se moquer un petit peu de la pièce, un petit peu en disant « ouais, si Sex and Sense », je me rappelle, en rigolant un peu du côté extrêmement lyrique. D'autres, au contraire, dont j'étais d'ailleurs, je dois dire, voulaient y receler des beautés. Et dans ces beautés, bien entendu, c'est surtout Christine qui a fait émerger le rôle, plus tard repris par une autre amie, Sabine, mais donc ASL qui a donné qui a été la première Sakuntala à Bussan donc en septembre 2009, voilà. Alors magnifiquement, et là sur Facebook, Sabine a fait circuler récemment de magnifiques photos, c'est quasiment c'est des tableaux, c'est comme des tableaux antiques où notre belle Kiki est là rayonnante, princesse Sakuntala. Une belle légende, donc, c'est ce que j'ai évoqué dans le poème, qui a une légende, une princesse qui va être fiancée à un prince, lequel prince va oublier, parce qu'elle a perdu son anneau, va oublier même sa mémoire. Mais l'anneau sera retrouvé au fond de l'eau. Et c'est aussi cet anneau de la mémoire de Kiki que nous gardons. Alors, cette très belle légende, qui d'ailleurs avait été mise en scène plus fastueusement par Pierre-Richard Wilm dans les années 38, c'est même là qu'il avait rehaussé le théâtre de façon à accueillir des mises en scène plus fastueuses que ne le faisait Maurice Potzer. Donc, il fait lui-même interpréter le prince d'Ushantin. Et il faisait des habits somptueux avec des cataphotes de vélo, on dit, voilà. Ça, c'est la petite histoire. Et notre belle Christine a été magnifique et douce, Sakuntala, cette princesse magnifique aussi, qui est l'amour, qui incarne l'amour, qui incarne le rêve, qui incarne la fidélité à la mémoire, et tout ça à quoi elle nous invite maintenant. Alors par la suite, eh bien, je l'ai retrouvé encore, une autre fois, toujours dans un rôle symbolique, dans le parcours Maurice Potzer ou la jeunesse éternelle, qu'on a monté pour les 120 ans du théâtre en 2015. Et là, on a monté Maurice Potzer et la jeunesse éternelle, qu'on a joué à la Bresse. On devait le jouer à Blanche-Mère, mais la pluie ne nous a pas permis à ce moment-là. On l'a repris plus tard à Blanche-Mère avec une autre actrice qui l'a remplacée aussi. Mais la première fois on l'a joué, c'était prévu à Blanche-Mère, on l'a joué sous la patinoire de la Bresse. Et c'est elle qui a été, alors cette fois-ci, la douce Catherine. Catherine dans le château de Hans, c'est une des pièces les plus significatives de Maurice Potzer. Une pièce où Catherine donc, est la fiancée de Hans. Hans est le bûcheron qui comprend le langage des arbres, qui pense que les hommes, l'humanité est plutôt bonne et même très bonne, et il y a un pari entre les lutins et le diable, comme quoi eh bien, ce couple. Le diable veut faire chuter ce couple. Bon, je vous raconte pas l'histoire en détail. Il y a une très bonne adaptation qui a été faite récemment par les Jolis Mômes, Louise Feutet et Sylvain Feutet. Mais je dirais un peu plus Louise Feutet quand même. Mise en scène Marc Alieri. Bon, on l'a fait venir à Busson récemment. Et donc, cette Catherine, c'est la fiancée rêvée que Hans va retrouver après les épreuves. Vieillissante et revenue à la jeunesse, et pour ce couple magnifique, on donnera pour 1000 ans un château dans la roche, en fait, qui est le château de Hans, au-dessus du lac Blanc. Alors c'est une magnifique histoire initiatique et d'amour qui se termine ainsi. L'amour a vaincu la haine, un cœur simple et bon, par son simple effort, créant en lui la beauté sereine qui sourit par-delà la mort. Bien sûr, c'est bien ce que nous dit Christine. Alors, là, un petit peu empêtré dans la technique, j'ai voulu faire démarrer une chanson tout à fait qui va aussi. Et qui va démarrer sur une autre piste. C'est ainsi, c'est les pistes de la radio. Voilà. La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume.

pas eu le temps de tout écouter en détail, mais je suis presque sûr qu'elle n'y était pas. Si des auditeurs me disent l'inverse, ben, j'en serais, ben voilà, j'en serais pas heureux, mais voilà. Parce que je ne crois pas avoir les dialogues dans sa version à elle, qu'elle a fait. C'est une pièce qui a été jouée il y a plusieurs années, hein, et que le TTPS reprend là. Mais elle en a fait plusieurs. T'as vu le travail, celle-là, je ne l'ai pas retrouvée pour l'instant. Et puis, dans d'autres plus anciennes, alors comme effectivement Le Peuple du Théâtre, c'est, ou encore Shakuntala, alors là, je me heurte au problème des supports. Et c'est-à-dire, on parle de la mémoire, mais qu'est-ce que seront la mémoire dans. Y compris les choses qui nous sont les plus chères, comme celle-là, puisque Shakuntala, je dois l'avoir enregistré, mais peut-être pas sur le même support, sans doute les mini-disques qu'on utilisait il y a 10 ans à l'époque, et non pas les cartes SD, voilà. Alors, je dois avoir ça dans des mini-disques, mais on est beaucoup moins équipé pour les écouter maintenant, si à la radio on en a encore, heureusement, mais donc j'ai pas eu le temps de voir si je remontais à cette époque-là. Encore plus au moment du Peuple du Théâtre, où là, j'ai dû l'enregistrer aussi, mais c'était les cassettes encore. Mais on peut encore les écouter, mais tout ça, c'est comme les cassettes vidéo. Tout ça disparaît dans les évolutions de la technique. Il faut faire attention à ce que les éléments de mémoire ne se perdent pas avec les supports qui changent. Bon, en ce moment, c'est les cartes SD. Bon, et sur cette carte SD, je suis remonté, j'ai recherché un peu partout. Ça m'a permis de faire une exploration de mes fichiers, si je peux dire. Et dans mes multiples cartes SD, j'ai retrouvé le trognon qui était une pièce. Oh là, Christine a joué, j'en suis bien sûr. Elle l'avait d'ailleurs joué bien avant, dès 2010. Ça a été repris jusqu'en 2012 et je crois que je suis tombé sur la dernière du Trognon, d'Ève. Alors là aussi, c'est quelque chose de touchant, c'était en 2012, à Vanier, je crois. Et c'est peut-être la dernière fois que j'ai vu aussi, vous voyez, les souvenirs se coagulent. Notre ancien président, il était le mari de la présidente, Jean-Claude Lambollet, qui avait été très malade, puis qui revenait, on en espérait, je crois que je l'ai vu là, il était content, et puis après il est quand même mort. Donc, le trognon d'Ève, c'est une pièce féministe, j'ai pas le temps de réécouter. Je vais découvrir avec vous et à un moment donné va surgir Kiki. Peut-être que je ferai un arrêt sur, pas sur image mais sur audio pour revenir un peu à l'arrière si j'y arrive avec le problème de technique que ça suppose. Enfin, en tout cas, on va l'entendre. J'ai écouté tout à l'heure dans des extraits, des passages avec sa voix malicieuse et douce en même temps un personnage dont vous avez vu la vigueur aussi dans cet extrait qu'on a passé tout à l'heure et que je dois, effectivement, je les remercie, je l'ai dit, à Thérèse et François Durand qui ont gardé sa voix. Je pense qu'à la France Insoumise, on a gardé plus de ses discours et j'espère qu'on en aura plus. Et peut-être, j'espère aussi que de tous les hommages qui vont être donnés demain, où je n'assisterai pas, malheureusement, je suis pris à une autre obligation, à Fontenoy-le-Château, bon, pour tout dire, le prix François Matonnet, le jury, etc. Tout ça, François Durand va enregistrer, François et Thérèse vont enregistrer, et je pense que on aura, si Alain et ses enfants sont d'accord, on aura ce dernier hommage à Christine, avec sans doute même, m'a-t-on dit, des textes d'elle, car elle prévoyait, elle pressentait, elle préparait, elle. Je ne dis pas qu'elle organisait son départ, mais presque. C'était depuis 15 jours, sans doute, son vœu. Voilà. Alors, maintenant, le trognon d'Ève. Normalement, je vous passe tout.

Bon, écoutez, mon petit, il faudrait que vous appeliez Durando, hein, parce que alors moi, son article, j'aurais pas fini pour la fin de la semaine, hein. J'en suis à peine à la dernière partie, alors... Ah, puis dites voir, on a encore cette conférence, vous savez, sur... attends, rappelez-moi, l'image de la femme dans la littérature grecque et romaine, c'est ça? C'est pour quand, déjà? Pour dans 2 semaines, madame. 2 semaines? Mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Il va encore falloir travailler dans l'urgence, comme d'habitude. Alors écoute, on avait quand même mis 2-3 trucs de côté, là, et rappelez-moi ce qu'on avait vu sur les auteurs grecs, déjà. Eh bien, on a Aristote dans La génération d'animaux. Un mâle est un mâle en vertu d'une capacité particulière. Une femelle est une femelle en vertu d'une incapacité particulière. Ça, c'est bien, je me souviens. On a Platon aussi. Oui, alors ça, c'était ce passage dans le Timée, hein, si je me souviens bien. De mémoire, c'était ce passage où il disait « Donc, ce sont les mâles seulement qui sont créés directement par les dieux et à eux seuls que l'âme est donnée. Hein, » c'était ça. Voilà, plus avec ces travaux partout qui n'en finissent pas. Alors, attendez, ça c'est l'Odyssée. Non, c'était pas ça. Alors, je crois que c'était celui-là. Regardez, j'avais mis une marque. Voilà. Donc, on parle bien des hommes. Hein. Donc, ceux qui vivent avec droiture, vous pouvez noter... Retourne vers les étoiles. Donc on est bien dans le cadre de la réincarnation, etc., etc. Ceux qui vivent des vies sans rectitude, très important, on peut supposer avec raison qu'ils ont acquis la nature de femme à la seconde génération. Donc cette régression, hein, on souligne, peut continuer pendant des générations successives à moins qu'elle ne s'inverse. Dans cette situation, ce sont évidemment les hommes seuls qui sont des êtres humains complets et qui peuvent prétendre à l'accomplissement ultime. Ce qu'une femme peut espérer au mieux est de devenir un homme. Si je pourrais me permettre, madame, j'avais trouvé également dans Aristote le passage suivant. Il est préférable pour tous les animaux domestiques d'être dirigés par des êtres humains parce que c'est de cette manière qu'ils sont maintenus en vie. De la même manière, la relation entre le mâle et la femelle est par nature telle que le mâle est supérieur à la femelle inférieure, que le mâle dirige et que la femelle est dirigée. D'accord, bon, écoutez, tout ça me paraît excellent. De toute façon, c'est une piste de travail, hein, toutes ces citations. Pour finir avec les auteurs grecs, on pourrait citer 2-3 maximes parmi les plus connues de Ménandre. Celle-ci, par exemple, ce sont les quenouilles qui sont travaux de femmes et non les assemblées politiques. Ou alors celle-là, vous pouvez la noter parce que je l'aime bien. Le silence embellit toutes les femmes. D'accord, je note. On pourrait passer ensuite aux auteurs latins. Oh oui, oui, on va pas. Je m'étais dit qu'on pourrait peut-être parler de la loi Oppia, mais il faudrait rappeler rapidement en quoi elle consistait. Je crois que nous n'aurons pas affaire à des spécialistes. Vous avez raison, oui. Alors, comment expliquer ça de façon la plus claire possible? La loi Oppia, donc 192 avant Jésus-Christ. Deuxième guerre punique, les guerres puniques étant les guerres qui ont opposé les Romains aux Carthaginois. Carthage, s'il faut situer géographiquement, se trouve dans l'actuel nord-est de l'actuelle Tunisie. Hein. Donc, 2e siècle avant Jésus-Christ, la loi Oppia concernait les femmes, évidemment. Elles avaient l'interdiction de porter des bijoux, des tenues de couleur pour éviter les teintures qui étaient très chères à l'époque, et de se faire transporter dans des voitures tirées par 2 chevaux. Tout ça pour consacrer l'argent, non pas au luxe, mais à l'effort de guerre. Il est bien évident que leur mari sénateur qui votait ses voix et qui n'était pas sur le champ de bataille n'était pas du tout concerné par de telles restrictions. Est-ce que ça vous va? Tout à fait. Ça, c'est clair. Comme ça, ça nous permettrait de... Ce qui nous permet de replacer l'intervention de Caton quand les femmes ont manifesté en 192, parce que la guerre était finie depuis plusieurs années et la loi toujours en vigueur. Tout à fait, j'allais dire. Alors, lui, c'est Tite Live, hein, qui l'avait dit. Alors, ça, c'était pareil, mais 24. Oh, quel bazar ici. Livre 24, c'était ça, je crois. Hein. Ouais, donc, alors, il s'adresse donc à ses petits camarades sénateurs. Hein. Si chacun de nous, citoyens, avait entrepris de maintenir le droit et l'autorité du mari sur sa propre femme, nous aurions moins de soucis avec l'ensemble des femmes. D'accord? Bon, alors là, on peut passer là, et puis on pourrait reprendre à cet endroit. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Oui, oui. Nos ancêtres ont voulu que les femmes ne puissent mener aucune action, même privée, sans un tuteur qui leur serve de garant, qu'elles soient sous la domination de leurs parents, leurs frères, leurs maris. Et voilà que nous allons jusqu'à supporter qu'elles se saisissent de la chose publique et que presque dans le forum, elles se mélangent aux hommes, dans les discussions, les réunions. Voilà, hein, tout ça me paraît très clair. À propos de Caton, j'avais repensé aussi à un texte dans son traité sur l'agriculture. Je vois. C'est le passage où il donne des conseils à son fermier. Ça, je me demande si on l'a pas écouté. Regardez quand même dans le carton. Bon, il faudra quand même qu'on pense à laisser de la place pour le débat. Hein. On peut pas se contenter de faire un catalogue de citations. Il faut que les gens aient le temps quand même d'intervenir. Alors. Bien sûr, je l'ai. Vous l'avez ? Qu'elle n'ait pas le goût de... non. Fais-toi craindre d'elle, qu'elle ne soit pas dépensière, les voisins et les autres femmes, qu'elle les fréquente le moins possible, qu'elle n'aille souper nulle part. Attendez, je vais noter ça. Allez-y. Je continue, donc voilà, c'est ça. Qu'elle n'ait pas le goût de la promenade, qu'elle soit propre, qu'elle tienne la ferme toute balayée et propre, qu'elle veille à tenir la nourriture prête pour toi et les esclaves, qu'elle sache faire de la bonne farine, etc. Donc on en a toute une page, hein, pour en choisir. Tout ça me paraît correct. Avez-vous pensé à autre chose? Bon, eh bien écoutez, je pense que sur la parure de la femme chrétienne, on va avoir deux, trois choses sur dans Tertullien, mais alors ça c'est au premier étage. Hein. Donc allez-y, parce que cet après-midi, moi, je reçois du jardin. Bah alors mon petit, dépêchez-vous un petit peu. Ah, c'est un peu long pour vous, excusez-moi, je vais vous aider. Tu es prêt? Bah, écoute, j'essaie. Fin de sombre, le régime, c'est l'heure que je devais. Alors, calme-toi. Pas de soucis comme la dernière fois, hein, d'accord? L'émission de la semaine dernière, c'était limite. Hein. Écoute, moi je viens là pour mon interrupteur, si vous voulez cacher, c'est quand même. Ok, attention, caméra, une, c'est bon? Ouais. Deux? Ouais. Trois? Ouais. Ok, alors attention au direct. Dans 5, 4, 3. Les vieilles légendes nous offrent des femmes douces, passives, muettes, seulement préoccupées par leur beauté, tout à fait incapables et bonnes à rien. En revanche, les figures masculines sont fortes, courageuses, loyales, intelligentes. On ne raconte presque plus de légendes aux enfants. Elles sont remplacées par la télévision et les histoires inventées à leur intention. Mais certaines parmi les plus connues ont survécu et sont connues de presque tout le monde. Pour en parler ce soir, Isabelle Pierret, critique de littérature jeunesse. Le petit chaperon rouge est l'histoire d'une fillette à la limite de la débilité mentale qui est envoyée par sa mère irresponsable à travers les bois profonds infestés de loups pour apporter à sa grand-mère malade des petits paniers bourrés de galettes. Avec de telles déterminations, sa faim ne surprend guère. Mais tant d'étourderies reposent entièrement sur la certitude qu'au lieu et à l'endroit voulu se trouve un chasseur. Courageux, efficace, prêt à sauver du loup la grand-mère et la petite fille. Non mais tu reprends par exemple l'histoire de Blanche. Sophie et... Thierry, pédopsychiatre, psychanalyste. Blanche-Neige, si on reprend l'histoire de de Blanche-Neige, c'est aussi une petite oie blanche qui accepte par exemple la première pomme venue alors qu'on l'avait bien mise en garde, ne se fie à personne. Hein. Et quand les nains lui accordent de l'hospitalité, les rôles se remettent automatiquement en place. Eux iront travailler et elle restera à la maison pour balayer, faire la cuisine, repriser les chaussettes, etc. etc. Hein. Elle aussi vit comme l'autruche, la tête dans le sable. La seule qualité qu'on lui reconnaît, c'est la beauté. Et vous serez d'accord avec moi, hein, c'est une qualité naturelle. Elle ne fait pas appel à une volonté personnelle, individuelle. Donc, on peut dire que c'est une qualité qui lui fait nullement honneur. Hein. La beauté, c'est l'effet du hasard. Elle se met dans des situations impossibles. Et comme toujours, pour l'en sortir, il faudra l'intervention d'un homme, le prince charmant ici. Dans le petit chaperon rouge, on avait le bûcheron ou le chasseur. Et ce prince charmant l'épousera fatalement. Ouais. Là, c'est comme Cendrillon. Hein. C'est comme Cendrillon. Christine Bourbon, spécialiste en littérature féminine. C'est comme Cendrillon, disais-je. Mais Cendrillon, prototype des vertus domestiques. De la patience, de l'humilité, de la servilité, mais du sous-développement de la conscience. Elle n'est pas très différente des types féminins décrits dans les livres de littérature ou dans les livres de lecture. Mais bien qu'on lit dans les classes primaires en général et puis dans la littérature enfantine, à chaque fois, non. Elle non plus ne bouge pas le petit doigt pour se sortir mais d'une situation intolérable. Elle ravale les humiliations et les vexations. Oh, elle est sans dignité ni courage. Et elle aussi accepte que ce soit un homme qui la sauve. C'est son unique recours. Mais rien ne dit que ce dernier la traitera mieux qu'elle ne l'était jusqu'alors. En fait, si on y regarde bien, Lydia Alikhinov, auteure d'ouvrages pour les enfants. Bonsoir. Donc, les personnages féminins des légendes se divisent en deux grandes catégories. Les bonnes et incapables, et les malveillantes. On a calculé que dans les contes de Grimm, 80% des personnages négatifs sont des femmes. Et si on se donne la peine de chercher, dans aucun conte, on ne trouvera un personnage féminin qui soit actif, loyal, courageux et intelligent. Même les fées n'ont pas recours à des ressources naturelles, mais à un pouvoir magique qui est positif sans aucune raison logique. Tout comme il est malfaisant pour les sorcières. En fait, un personnage féminin doué de qualités humaines altruistes, qui choisirait en toute lucidité son comportement, n'existe pas. Merci, mesdames. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nul doute que vos interventions auront soulevé beaucoup de questions. Encore merci pour votre participation. Quant à vous, chers téléspectateurs, sachez que le thème du débat de la semaine prochaine est « L'homme au foyer ». Utopie ou réalité? truc en français, mais c'est pour demain. C'est quoi? Non, mais attends, il me semble que tu es en train de jouer. C'est quoi ton devoir? Un skitex sur Antonin Artaud. Antonin Artaud? La lettre de rupture d'Antonin Artaud! Va travailler, dépêche-toi! Oh, il y en a marre, hein? J'ai besoin d'une femme qui soit uniquement à moi. Et que je puisse trouver chez moi à toute heure. Sans aucune des facilités de la vie à portée de main. Il me faut un intérieur. Et il me le faut où je suis. Et une femme qui s'occupe de moi sans cesse. Une artiste comme toi a sa vie et ne peut pas faire cela. Oui, ce que je dis est d'un égoïsme féroce, mais c'est ainsi. Il ne m'est même pas nécessaire que cette femme soit très jolie. Je ne veux pas non plus qu'elle soit d'une intelligence excessive, ni surtout qu'elle réfléchisse. Il me suffit qu'elle soit attachée à moi. Petit bruit parasite, excusez-moi. Thank you. dans aucune autre discipline. D'ailleurs, moi, une fille, je leur brûle la vedette. C'est moi la première en piscine et au patin roulette. Lisa n'est pas la dernière non plus. Ah, il faut nous voir dévaler les grandes avenues, puis remonter accrochés au cul des camions et au pare-choc des voitures. Les piétons hurlent, les voitures klaxonnent, les conducteurs nous insultent lorsque deux gamines de 33 kilos les doublent d'un air furieux. Machine à laver, sécheur à linge ou aspirateur. Essayez d'encourager les enfants à être calmes. Soyez heureuse de le voir. Accueillez-le avec un chaleureux sourire et montrez de la sincérité dans votre désir de lui faire. Écoutez-le. Il se peut que vous ayez une dizaine de choses importantes à lui dire. Mais son retour à la maison n'est pas le moment opportun. Laissez-le parler d'abord. Et souvenez-vous que ses sujets de conversation à lui sont plus importants que les vôtres. Faites en sorte que la soirée lui appartienne. Ne vous plaignez jamais s'il rentre tard à la maison. On sort pour dîner ou pour aller dans d'autres lieux de divertissement sans vous. Au contraire, faites en sorte que votre foyer soit un havre de paix, d'ordre et de tranquillité, où il puisse y détendre son corps et son esprit. La section des précaires, celle qui devait rassembler la masse montante des travailleurs aux emplois éclatés, des caissières de supermarchés, des intérimaires, des sous-traitants. Le syndicalisme n'était pas une affaire facile dans ce monde d'hommes organisé autour des grosses sections, les chantiers navals, les PTT, les métallos. Pour parler d'eux, ils disaient « on est les bastions ». Ça voulait tout dire, le reste ne comptait pas. Dans les manifs, certains avaient honte d'être vus à côté de caissières de continent ou de femmes avec un balai. C'était leur grève à eux, leur banderole à eux, leur manifestation à eux, leur syndicat à eux, leur marche à eux. Un des pires moments à la section des précaires, c'était la rédaction des... Ça se passait toujours de la même façon. Les filles commençaient à s'y mettre et au bout d'un moment, permanent du syndicat venait lancer. C'est pas encore terminé? On voudrait bien aller boire un coup. Il revenait un peu plus tard. Vous mettez trop de temps. On va le faire pour vous. Aucun n'avait la patience d'attendre ce qu'elles avaient réellement à dire. Et il ne fallait pas les pousser beaucoup pour qu'ils disent ce qu'ils avaient réellement en tête. Ils ne les trouvaient pas à la hauteur. Elles manquaient définitivement de conscience de la lutte. Ils écrivaient ce qu'ils voulaient sur les tracts et le lendemain, les filles refusaient de les distribuer. Elle se faisait traiter de chieuse. De toute façon, les gars, ça ne les intéressait pas beaucoup, ces histoires de bonnes femmes. Cela devait être au début des années 80, à une réunion, bien sûr, où Victoria donnait, une fois de plus, le point de vue des femmes de ménage. Un copain lui a coupé la parole. Je remarque que les camarades ne font plus jamais le ménage dans les locaux. On cherche quelqu'un pour le faire. Pourquoi pas toi, Victoria, quelques heures par semaine? Tu serais salariée? Un beau jour, un responsable est nommé pour diriger la section des précaires. Un vrai lettré, bardé de diplômes. Il faut un intellectuel pour représenter dignement le syndicat, disent les permanents. On ne peut tout de même pas envoyer aux réunions. une caissière ou une femme de ménage. Victoria se souvient de cette sale impression d'être en dessous. Quand elle passe l'aspirateur au siège du syndicat, elle voit des types venir et s'asseoir sur le bureau du nouveau pour discuter avec lui pendant des heures. Ensuite, ils partent déjeuner, tous ensemble. Et ce n'est que plus tard, en revenant, qu'ils s'inquiètent. Au fait, Victoria, tu ne voulais pas venir avec nous. L'argent pour sauver la vie de son mari. Il avait besoin de ça. Il avait besoin d'aller en Italie pour rester en vie. Mais sans argent, comment est-ce qu'il aurait pu y aller? Alors elle a emprunté de l'argent. Elle a imité la signature de son mari. En plus, elle a emprunté à l'associé de son mari. J'espère que ça ne se saura pas. Ça restera comme ça parce que s'il venait à la prendre, tu vois ce qu'il en adviendrait. Maintenant, tu as détruit mon bonheur. Tu as anéanti mon avenir. Je ne puis y penser sans frémir. Me voici entre les mains d'un homme sans scrupules, qui peut faire de moi ce qu'il veut, commander, ordonner à sa guise, sans que j'ose souffler mot. Ainsi, je puis être réduit à rien, coulé à fond par la légèreté d'une femme. Quand j'aurai quitté ce mot, tu seras libre. Oh non, pas de grands mots. Ton père aussi en avait toute une provision. À quoi cela me servirait-il si tu quittais ce monde, comme tu dis? À rien. Il pourrait, malgré ça, ébruiter la chose. Et en ce cas, on me soupçonnerait peut-être d'avoir été à l'origine de ta criminelle action. On pourrait croire que j'en étais l'instigateur, que c'est moi qui t'ai poussé. C'est à toi que je dois cela. À toi que j'ai porté sur mes bras durant toute notre vie commune. Comprends-tu maintenant ce que tu as fait? Oui. C'est si incroyable que je ne m'en sors pas. Il faut pourtant étouffer l'affaire. En ce qui concerne notre intérieur, rien ne doit sembler changer entre nous. Il ne s'agit bien entendu que des apparences. Tu continueras donc à demeurer ici, ça va sans dire, mais il te sera interdit d'élever les enfants. Je n'ose te les confier. Devoir parler ainsi à une femme que j'ai tant aimée, et puis... enfin, tout cela c'est du passé. Il ne s'agit dorénavant plus de bonheur, uniquement de sauver des restes, des débris, des apparences. une lettre pour madame. Donnez-la moi. Oui, elle vient de lui. Non, tu n'auras pas, je vais la lire moi-même. Nora. Non, mais disons encore. Oui, c'est bien ça. Nora, je suis sauvée, Nora. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Et moi? Toi aussi, bien entendu. Nous sommes sauvés l'un et l'autre. Regarde. Il te restitue ton reçu. Il dit qu'il se regrette, qu'il se repent, un heureux événement venant à changer le cours de son existence. Oh, peu importe ce qu'il dit. Nous sommes sauvés, Nora. Plus personne ne peut plus te nuire. J'aurais fait un mauvais rêve. Voilà tout. Il t'écrivait que depuis la nuit de Noël, tu... Ces trois jours. Quelle épreuve, ça a dû être pour toi. J'ai soutenu une lutte violente durant ces trois jours. Et tu t'es désespérée. Tu ne voyais pas d'autre issue que... Oh, allez, oublions tous ces dégoûts et félicitons-nous de cette issue. Je t'ai pardonné, Nora. Que veut dire cette raideur ? Nora, tout cela est fini. Ah, ma chère petite Nora, tu sembles ne pas croire que je t'ai pardonné. Mais c'est pourtant vrai. Je te jure que je t'ai pardonné. Je sais bien que ce que tu as fait, tu l'as fait par amour pour moi. Oui, c'est vrai. Tu m'as aimé comme une femme doit aimer son mari. Bon, tu as simplement employé des moyens que tu n'étais pas en mesure de juger. Bon. Crois-tu que je sois moins attaché à toi parce que tu ne sais pas faire, tu ne sais pas prendre des décisions toute seule? Je ne serais pas un homme si ton incapacité de femme ne te rendait pas doublement séduisante à mes yeux. Allez, oublie les dures paroles que j'ai pu dire dans les moments où je croyais que tout allait s'effondrer sur moi. Je t'ai pardonné, Nora. Je te jure que je t'ai pardonné. Je te remercie de ton pardon. Repose-toi bien. Remets-toi de cet alerte, petit oiseau effarouché. Ah, que nous avons un calme et charmant intérieur, Nora. Ici, tu es à l'abri. Je saurai te protéger comme une colombe que j'aurais recueillie saine et sauf des griffes du vautour. Je saurai apaiser ton petit cœur qui palpite. Si, si, petit à petit, j'y réussirai, crois-moi. Demain, tout cela t'apparaîtra sous un autre jour. Je n'aurai pas besoin de te répéter sans cesse que je t'ai pardonné, tu le sentiras toi-même. Comment as-tu pu croire que j'aille te repousser? Ou même te faire des reproches? Ah, Nora, tu ne sais pas ce que c'est qu'un vrai cœur d'homme. Il y a chez un homme un si grand contentement dans la conscience que d'avoir pardonné vraiment du fond du cœur. Et lorsqu'un homme a pardonné à sa femme, c'est comme s'il la mettait au monde une seconde fois. Et alors ce n'est pas seulement sa femme que l'on voit dans l'être pardonné, c'est aussi son enfant. C'est ainsi que tu m'apparaîtras, petit être effaré, sans boussole. Ah, Nora, sois seulement franche envers moi, et je te servirai de conscience et de volonté. Tu t'es rhabillée? Oui, t'en vas, je me suis rhabillée. Enfin, à cette... Cette nuit, je ne peux pas dormir, Herman. Enfin, Nora. Il n'est pas si tard encore. Assieds-toi. Nous avons à parler. Nora, cet air de raideur. Assieds-toi, l'entretien sera long, nous avons beaucoup à nous dire. Tu m'inquiètes, Nora. Je ne te comprends pas. Tu dis vrai, tu ne me comprends pas, Torvald. Romain aussi, je ne t'ai jamais compris avant ce soir. Ne m'interromps pas. Écoute ce que je te dis. Il s'agit de régler mon compte. Comment l'entends-tu ? Nous voici là, l'un à côté de l'autre. N'as-tu pas frappé d'une chose ? Que veux-tu dire ? Voilà 8 ans que nous sommes mariés. Réfléchis un peu. N'est-ce pas la première fois que, tels que nous sommes, je veux dire mari et femme, causons sérieusement ensemble ? Sérieusement, oui. Enfin, que veux-tu dire ? 8 années ont passé, même plus depuis notre première rencontre. Et je veux dire que nous n'avons jamais échangé une parole sérieuse sur un sujet grave. Aurais-je dû t'initier à mes soucis que tu n'aurais pas pu soulager ? Je ne parle pas de soucis. Je veux dire que jamais, en quoi que ce soit, nous n'avons cherché en commun à voir le fond des choses. Mais enfin, Nora, était cela une occupation pour toi ? Nous y voilà. On a été bien injustes envers moi, Torvald. Papa d'abord, toi ensuite. Quoi ? Nous deux ? Mais qui donc t'a aimé autant que nous ? Vous ne m'avez jamais aimé. Il vous a semblé amusant d'être en adoration devant moi, voilà tout. Que veut dire ce langage ? C'est ainsi, Torvald. Quand j'étais chez papa, il m'exposait ses idées. Ses idées, je les partageais. Si j'en avais d'autres, je les taisais. Il n'aurait pas aimé cela. Il m'appelait sa petite poupée. Et il jouait avec moi comme moi. Je jouais avec mes poupées. Et puis je suis venue chez toi. Des mains de papa, je suis passée dans les tiennes. Oh, tu as tout arrangé à ton goût. Et ce goût, je le partageais. Ou bien je faisais semblant, je ne sais plus, ou juste tantôt l'un, tantôt l'autre. En jetant un regard en arrière, il me semble que j'ai vécu ici comme des pauvres gens, Torvald, au jour le jour. Vous avez été bien injuste envers moi, Torvald, et bien coupable. À vous la faute si je ne suis bonne à rien. Tu es injuste, Nora. Injuste et ingrate. N'as-tu pas été heureuse ici ? Jamais. Quoi ? Tu n'as pas été heureuse ? J'ai cru l'être, mais je ne l'ai jamais été. J'ai été gaie, voilà tout. Ça, tu étais si gentille avec moi. Mais notre maison n'a pas été autre chose qu'une cour de récréation. Voilà. J'ai été poupée femme chez toi comme j'avais été poupée enfant chez papa. Et mes enfants, à leur tour, ont été mes poupées. Je trouvais drôle quand tu jouais avec moi, comme eux trouvaient drôle quand je jouais avec eux. Voilà ce qu'a été notre union, Torvald. Il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis bien, que tu exagères et amplifies beaucoup. Mais dorénavant, tout ça va changer. Fini le temps de la récréation, voici venu le temps de l'éducation. Ah oui ? L'éducation de qui ? La mienne ou celle des enfants ? Je vous en veux dire, les deux. Voilà, Storvald. Tu n'es pas homme à m'élever pour faire de moi la véritable épouse qu'il te faut. C'est toi qui dis ça ? Et moi, comment suis-je préparée à élever les enfants ? Enfin, Nora, c'est... Ne disais-tu pas toi-même tout à l'heure que c'est une tâche que tu n'oses me confier ? Je l'ai dit dans un instant d'irritation. Vas-tu maintenant relever cela ? Mais il en est une autre dont je dois d'abord m'acquitter. Je veux songer avant tout à m'élever moi-même. Et tu n'es pas homme à me faciliter la tâche, Torvald. Je dois l'entreprendre seule. Voilà pourquoi je vais te quitter. Qu'est-ce que tu as dit ? Je dois être seule pour me rendre compte de moi-même et de tout ce qui m'entoure. Aussi, ne puis-je rester avec toi. Mais Nora, Nora ! Je veux m'en aller tout de suite. Je trouverai bien un abri chez Christine cette nuit. Mais tu perds l'esprit. Tu n'as pas le droit de t'en aller. Je te le défends. Oui, tu ne peux plus rien me défendre désormais. J'emporte tout ce qui est à moi. De toi, je ne veux rien tenir, ni maintenant, ni jamais. Mais que veut dire cette folie ? Demain, je pars pour chez moi, mon pays d'origine. J'y trouverai plus facilement à vivre. Abandonner ton foyer, ton mari, tes amis. As-tu songé ce qu'on en dira ? Je ne puis songer à ce qu'on en dira. Je sais seulement que pour moi, c'est indispensable. Mais c'est révoltant ! Ainsi, tu trahirais tes devoirs les plus sacrés ! Ah oui, et que considères-tu comme mes devoirs les plus sacrés ? Enfin, j'ai besoin de le dire. Tes devoirs envers ton mari et tes enfants. J'en ai d'autres, tout aussi sacrés. Mais non, tu n'en as pas. Quels seraient ces devoirs ? Mes devoirs envers moi-même. Avant tout, tu es épouse et mère. Je ne crois plus à tout cela. Je crois qu'avant tout, je suis un être humain, au même titre que toi. Ou au moins, je dois essayer de le devenir. Ah, je sais, Torvald. La plupart des hommes te donneront raison. Je sais aussi que ces idées-là sont imprimées dans les livres. Mais je ne peux plus songer à m'arrêter à ce qu'on dise les hommes et à ce qu'on apprend dans les livres. Je dois me rendre compte de tout par moi-même. Ainsi, tu ne te rendrais plus compte de ta place au foyer. N'as-tu pas sur ces questions un guide infaillible? N'as-tu pas la religion? Bien, la religion, vois-tu, Torvald, je ne sais pas au juste ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est? Je ne sais que ce que m'en a dit le pasteur Hansen en préparant ma confirmation. La religion, c'est ceci, la religion, c'est cela. Mais quand je serai seule et affranchie, je vais examiner cette question au même titre que les autres. Et je verrai si ce que me disait le pasteur Hansen était vrai ou si ce qu'il me disait était vrai, mais par rapport à moi. Voilà qui est inouï de la part d'une si jeune femme. Mais si la religion ne peut pas t'aider, laisse-moi du moins sonder ta conscience, car je suppose que tu possèdes au moins le sens moral. Ou peut-être en es-tu dépourvu ? Réponds-moi. Bien vois-tu, je ne peux répondre à ta question. Je n'en sais, je sais plus. Je ne peux plus me retrouver dans tout cela. Mais je ne sais qu'une chose, Torvald. Ça, j'en suis certaine. C'est que mes idées diffèrent entièrement des tiennes. J'apprends aussi que les lois ne sont pas ce que je croyais. Mais que ces lois soient justes, c'est ce qui ne peut m'entrer dans la tête. Ainsi, une femme n'aurait pas le droit de sauver la vie de son mari, ni le droit d'épargner des soucis à son vieux père mourant. Mais cela ne se peut pas, Torvald. Tu parles comme un enfant. Tu ne comprends rien à la société dont tu fais partie. Tu dis vrai, je n'y comprends rien. Mais je veux y arriver. Et je veux m'assurer qui des deux a raison, de la société ou de moi. Tu es malade, Nora. Tu as la fièvre. Je croirais presque que tu n'es plus dans ton bon sens. Je me sens cette nuit plus lucide et plus sûre de moi que je ne l'ai jamais été. Messieurs, c'est dehors. Le salon de discussion pour ces mesdames, c'est ici. A tout de suite. Alors, vous êtes à l'écoute du Trognon d'Ève, une pièce du CTPS, Culture, Théâtre, Peinture, Sculpture, enfin... C'est le nom de ses initiales, enfin, ça a pu changer, c'est-à-dire le théâtre de la Muraterie. Et je vous rappelle que c'est pour y écouter une actrice, enfin pour toutes les actrices, tous les acteurs bien sûr, écouter une actrice qui nous a quittés là, et que l'on célèbre en ce moment et demain encore au Centre culturel à Rue par des poèmes, des chansons, des textes, Christine Bourbon, qui nous a quittés depuis jeudi dernier, la semaine dernière, et qui nous aimait profondément, Christine Bourbon. Alors voici la deuxième partie du Trognon d'Ève, qui était, je le rappelle, la dernière partie, la dernière fois où ça a été joué, en 2012, à Vanier. Si je ne m'abuse, parce que oui, ils avaient affiché la dernière à l'époque. Voilà, donc... écoutons la deuxième partie de cette série de scènes dans lesquelles on entend effectivement souvent cette voix chère qui nous a quittés, mais qui est là en nous. Je l'entends à jamais. La seule chose que je sais, c'est qu'on a toujours fait celui d'un paillasson. La contraception pour tous. La contraception pour tous. La contraception pour tous. La contraception pour tous. Ah, les portables. Allez, écoutez, hein. La. Approchez, gens de la ville, écoutez ce conte de fées. Il était une fois une fille, pleine de bonne volonté. Elle arriva dans la ville sans savoir ce qui l'attendait. Une femme s'est faite pour souffrir. Tu vas voir ce que c'est. Va me chercher des pommes de terre, sors ton frère, amène du lait. Dépêche-toi, disait sa mère. Ça m'emmerde. Elle répondait. Ne sois donc pas si grossière pour une fille. C'est très laid. Une femme s'est fait pour souffrir. À l'école, sa maîtresse lui disait, ne t'en fais pas. Si le carré et la vitesse, ça te paraît du chinois. Il faut surtout que tu connaisses, c'est le temps de cuisson des petits pois. Une femme s'est fait pour souffrir. Alisa, à toi, c'est Alisa. Et son... Le premier

qu'il a fini de souper, débarrassez la table et faites rapidement la vaisselle. Si votre mari se propose de vous aider, déclinez son offre, car il pourrait se sentir obligé de la renouveler par la suite. Et après une dure journée de labeur, il n'a nul besoin de travail supplémentaire. Encouragez-le à se livrer à ses passe-temps favoris. Si vous avez des petits passe-temps vous-même, faites en sorte de ne pas l'ennuyer en lui parlant, car les centres d'intérêt des femmes, c'est bien connu, sont moindres par rapport à ceux des hommes. Lorsque vous aurez gagné tous deux la chambre à coucher, veillez à vous mettre au lit le plus promptement possible. Bien que l'hygiène féminine soit très importante, votre mari fatigué ne saurait faire la queue devant la porte de la salle de bain comme il aurait à le faire pour prendre le train. Veillez cependant à être à votre meilleur avantage avant d'aller vous coucher. Essayez d'avoir une apparence avenante sans être richeuse. Si vous devez vous mettre des bigoudis dans les cheveux ou de la crème sur le visage, attendez son sommeil, car cela pourrait le choquer de s'endormir sur un tel spectacle. En ce qui concerne les relations intimes, il est important de suivre les désirs de votre mari et d'en aucune façon de faire pression sur lui pour provoquer ou stimuler une quelconque relation intime. Vous avez reconnu Christine plusieurs fois, là. Charmante douceur, et de vous marier, vous osez faire fête, ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Oh, ce oui, ce peut-il se supporter, et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter. Qu'aimant qu'on soit le mariage qui vous oblige, ma sœur. Oh mon Dieu, fille. Comment? Ah, fille, vous dis-je. Mais ne concevez-vous pas ce que, dès qu'on l'entend, un tel mot offre à l'esprit de dégoûtant. De quelle terrible image on est paru blessé. Sur quelle sale vue il traîne la pensée. N'en frissonnez-vous point, et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants et un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie se faire les douceurs d'une innocente vie? Ce n'est bien assorti, n'a-t-il point des appâts? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Mais laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires, à de plus hauts objets. Élevez vos désirs, songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, et traitant de mépris les sciences et la matière, à l'esprit communément donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante en honneur en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille, et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs, loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi. Mais mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous élève au-dessus de tout le genre humain, et donnez l'esprit à la raison, l'empire souverain soumettant à ses lois la partie animale de l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper tous les moments. Les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout puissant, pour différents emplois nous fabrique en essaim. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations d'où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins son faible se resserre. Ne trouvons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habité par l'essor d'un grand et beau génie les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins, l'une à l'autre contraire, nous serons toutes deux imitées de notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous, aux productions d'esprit et de lumière, moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Quand, sur une personne, on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler, et ce n'est pas du tout à prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne serez point ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prends ma sœur, que son noble génie ne peut vaquer toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté. Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelques petits savants qui voudraient venir au monde. Donc, heureusement que tu m'y as fait penser, parce que sinon, bonjour l'engueulade. Bon, enfin, tu sais, je sais pas que ça me motive vraiment, mais ça t'a hein. Enfin, si ça peut t'éviter une engueulade. Tu me dis si je peux dire Oui, tiens, les verres, s'il te plaît. Les verres. Non, dans la cuisine. Ah oui. Deuxième placard à droite. C'est bon, tu trouves ? Ouais, j'arrive. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, j'ai trouvé. Des grands verres pour une grande soif. Excellent. Allez. Alors, donc on sera 6, non 8. Jean-Pierre et Nathalie vont venir un petit peu plus tard. Ouais. Ouais. Alors, mais non, qu'est-ce qu'elles font les femmes là? Eh bien, en fait, elles sont reparties au supermarché pour aller chercher les biscuits apéro. Ah bon, pourquoi? Eh bien, Kiki avait fait la liste de courses, mais elle n'avait pas noté dessus les biscuits apéro. Ah oui. Alors, tu sais bien que c'est moi qui vais toujours en course. Oui. Comme d'habitude. Alors, je prends la liste de courses au frigo, comme d'habitude. Je vais en course. Pas de biscuit apéro, je reviens sans biscuit apéro, tu comprends? Eh, je te raconte pas la souffrance que je me suis pris. Oui, on a des invités, c'est le 4 jours des biscuits apéro, tout va bien. Mais pourquoi tu n'as pas rentré la liste? Pour lui prouver que c'était elle qui s'était trompée. Non, parce qu'en fait, entre temps, j'avais perdu la liste. Et est-ce que par hasard, tu n'aurais pas perdu la liste de courses parce que tu avais oublié d'acheter l'apéro? Pourquoi crois-tu que j'aurais fait une chose pareille? Quoi, jeter la liste ou oublier l'apéro? Tiens, à propos d'apéro, on va peut-être commencer par le liquide. Hein. Allez, salut, on commence par le bouillon. Allez, ouais. Vous connaissez ça? dans la camionnette des fermiers. Je vous donnerai l'adresse et le numéro de téléphone. Bien. Oh, figurez-vous que je me suis amusée à compter le nombre de fois où j'avais mis et desservi le couvert. Eh bien, je suis arrivée au nombre de 3900. Oh. 3900 en 20 ans? C'est 20 ans de mariage? Bah, si tu calcules qu'il me faut à chaque fois mettre, enlever, laver, une moyenne de 6 assiettes. 4 verres, 8 couverts, 2 plats, 2 casseroles. Mmh. Des serviettes, une nappe, des fois un protège-nappe, hein, si tu fais un usage. 2 bouteilles, du sel, du poivre. Mmh. Le couteau à pain et le compotier. Mmh. Et tout ça, s'il n'y a pas de service spécial, il n'y aura pas spécial dans la journée, quoi. Mmh. Ouais, tu vas te lever à peu près si ça ne s'est pas par repas, hein. Ah oui, parce qu'on connaît. Donc, tu passes du buffet à la table, de la table à la cuisine au salon. Et tout répéter 3 fois par jour. Même si le petit déjeuner est moins important. Mmh. Et si on lui fait grâce des 2 fois par jour où elle tient le café. Mmh. Mmh. Faites le compte. Vas-y, va. Pour les déplacements, ça fait environ 21 par jour. Encore, je suis modeste. Mmh. Mmh. Multiplié par 365, ce qui donne 7665. Multiplié pour mes 20 ans de mariage. Ce qui fait un prof de maths dans la salle. 153 300. Ah, quand même. Ça va bien. Et imagine-toi un peu le nombre de briques que tu aurais déposées si tu avais été maçon. Bah, ça ferait déjà pas mal de maisons, hein, dis donc. Hein. Oh là là. Mais je n'ai hélas rien construit. Ah non. Non, non, c'est comme si tu avais labouré l'océan. Ouais. Et le pire, c'est que demain ça recommencera, et après-demain, et après-après-demain, et encore, et toujours. Hein. Ah, voilà, te ah, j'ai 40 ans. La moyenne de vie étant de 80 ans, il m'en reste 40 à faire la même chose. Mmh. Et encore, hein, ça c'est juste servir ou desservir, mais vous vous êtes déjà demandé le nombre de fois où vous faites les lits par exemple, où vous balayez, vous passez l'aspirateur, vous lavez le linge, vous le lavez, vous le mettez dans la machine, vous le ressortez, vous l'étendez, vous le ressortez, vous le repliez, vous le mettez dans les armoires. Mais oui, et ça c'est pareil, hein. T'imagines, tu multiplies ça par le nombre de jours, le nombre de semaines, le nombre de mois, le nombre d'années. Et pareil, tu seras artiste, tu serais peintre, le nombre de tableaux que tu aurais pu peindre. Ben oui, mais au de tout cela, au bout de 80 ans d'existence, je n'aurais rien apporté au monde. Oh, tu penses ça, tu... Et lorsqu'enfin je mourrai, il se trouvera ici, dans ce même appartement, une autre femme qui refera les mêmes gestes. J'ai déjà des millions de fois répété. Allez. Enfin, tu sais, si tu ne les avais pas fait à la maison, ça serait un joli, hein. Et alors, Ribéry, il arrive sur la droite, il sort. Eh ben, j'avais des musulmans, un coup d'aile, un pixel, oh là là, un grand moment. Ah ben, vous êtes là, les filles, hein. Ah oui, on est là, mais... Attendez, vraiment, ne me dites pas que vous êtes en train de refaire le monde à la mode féministe. Non, pas. Dans la cuisine, en plus, ça tombe bien, ça. Ouais, du salon, je les entendais. Un vrai meeting du meule-feu. Ah, là, vous n'étiez pas si mignonne. Oh, ah, mais... Vous savez ce que je vous dirais? Bah, vas-y. Donc, la camionnette des fermiers. Je crois qu'on n'a pas à s'inquiéter. Donc, c'est elle qui tartine nos toasts et nous qui remplissons les verres. On a de beaux jours devant nous. Allez, venez les filles, votre vin qui est servi. Allez. Comment veux-tu travailler dans des conditions pareilles, quoi? Et t'imagines, t'essayes un peu de leur répondre, hein, de, je sais pas, quoi, de les bâcher, hein, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu te fais traiter de quoi? De mégère hystérique, de refoulé sexuel. Oui, bien alors, si obéissant à la douceur et à la résignation propre à ton sexe, tu fais la sourde oreille, ben on s'empressera alors d'affirmer qu'une femme est incapable de résister à un compliment, et qu'il suffit d'un peu de savoir-faire ou de prestance pour la convaincre rapidement du contraire de ce qu'elle avance. Eh ben alors que Dieu nous garde une femme juge alors les filles, parce que elle acquitterait tous les beaux garçons par exemple, elle mettrait en prison tous ceux qu'elle trouve antipathiques et puis elle serait jalouse de toutes les autres femelles. Certainement. Elle arriverait en retard à l'audience parce qu'elle sortirait de chez son coiffeur ou du salon de beauté. Elle serait même bien capable d'un beau jour d'accoucher en plein tribunal. Et une femme médecin. Oui, une femme médecin, là. Elle s'évanouirait à la vue du sang, elle lâcherait le bistouri parce qu'elle est enceinte, elle a des nausées et tout. Elle serait même peut-être capable de toucher comme ça. Non. Et alors, une femme ministre. Alors, une femme ministre, mais comment est-ce qu'elle pourrait parler de guerre, de paix, alors qu'il y va de la vie de ses enfants? Mais, hein, les Goldamer, les Indira Gandhi, les Marie Curie. Alors là, je t'arrête tout de suite, Lucie. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si ces femmes étaient heureuses dans leur vie privée? Si elles s'occupent des affaires des hommes, parce que la science, la politique, c'est des affaires d'hommes, ça veut dire qu'elles sont frustrées sexuellement, forcément. Elles sont pas heureuses, ces femmes. Quand un homme aspire à de hautes fonctions, il n'en est que plus homme, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un homme qui réussissait sa carrière politique ou militaire, qui réussissait parce que sa femme faisait mal l'amour? Pas du tout. Un homme réalise ses ambitions parce qu'il est viril. Et voilà, c'est tout. Et donc on est d'autant plus féminine quand on se teint les cheveux, quand on tricote des chaussettes, quand on fait de la pâtisserie, hein, on fait des tournaisons, etc. Mm-hmm. Et surtout, quand on seconde son mari. Attendez les filles, là, j'en rêve des lignes. Est-ce que vous imaginez une seconde un homme qui accepterait de n'être que le second de sa femme? Elle était vieille et obèse, et les reins corrompus quand je naquis. Mais un cliché d'elle à 20 ans la montre dans toute sa séduction. La peau laiteuse, les yeux bleus porcelaine, et avec ça un nez presque aquilin, un nez noble pour aller avec le corset et les longues anglaises blondes. Ma pauvre mère n'a pas toujours été un modèle de femme américaine. Il fut un temps où elle se rêvait actrice et chanteuse. Mais son père, mon grand-père, esclavagiste et sénateur, lui signifia qu'il l'étranglerait de ses propres mains plutôt que de la voir chanter nue dans un lupanar. Nue, c'est lui qui le disait. Elle voulait juste jouer le répertoire. Brimée, brisée, bridée. Il mesurait à peine 3 cm de plus que moi. Juché sur mes escarpins à talons hauts, je le dépassais sensiblement. Quand une petite voix enfouie, insoupçonnée, s'élevait de je ne sais quels abysses ataviques, quoi au juste, l'antédiluvienne leçon des corps, la leçon du vase sacré, l'évangile du vase sacré, massacré, qu'on nomme l'éternel féminin. La douce voix de mes ancêtres enfin me susurra à l'oreille. Allez, baisse la tête, voûte le dos. Ne va pas froisser le mâle orgueil de ton mari, plus susceptible qu'une fillette. Je veux plier à la voix parasite. 7 ans plus tard, ce fut Lyuba Igorova, alors que je reprenais l'exercice du ballet dans son studio, qui le remarqua, qui me dit : c'est quoi ce dos voûté, ces épaules rentrées ? Allez ! Menton haut, dos droit, n'est-ce pas le minimum? Marche bien à plat. Je pris l'habitude des talons plats et renoncé aux talons cet amour plat si peu sensuel. Et pourquoi faut-il toujours les ménager, ces guerriers de cristal, eux, comme s'ils étaient des guerriers de cristal? Le garçon dont j'étais amoureux à l'époque a insisté, et je n'ai pas pu refuser. Et puis, un deuxième verre, et puis une gorgée de vodka. Ce soir-là, mon amoureux m'a violée. Et afin que ça ne retombe pas dessus, il m'a donné à essayer à ses copains de classe. Moi, on m'a menacée, alors je me suis tue. Mais chez nous, rien ne reste bien longtemps secret. Je n'ai rien pu prouver à personne, pas même à mes parents qui m'ont maudite. Mes frères m'ont roué de coups, jeté hors de la maison. Je suis restée toute seule. Ça n'a ensuite intéressé personne que je sois enceinte. D'ailleurs, dans ma situation, ça n'aurait rimé à rien que je mette le gosse au monde. Qu'est-ce que j'en aurais fait ? Une femme que je connaissais m'a donné un peu d'argent en me conseillant d'avorter. Et une guérisseuse de village m'a fait un truc bizarre. Et je suis restée stérile pour le restant de mes jours. Soit je mets un terme à cette vie de merde. Soit je montre que je suis capable de m'élever au-dessus de ça. Pour les autres, je n'étais plus qu'une épave. Mais plus jamais je ne permettrai qu'on me piétine, qu'on m'humilie, qu'on m'outrage ou même qu'on lève la main sur moi. Un homme, c'est un homme. Plus ou moins bien élevé, voilà tout. Le secret, c'est en toi qu'il est. Dans la conscience que tu as de ce que tu es. Et ça, même si ça n'est pas grand-chose, eh bien, c'est unique. Christine. Bien souvent, c'est une femme négligente, méchante, bavarde, qui fait fuir son mari de son foyer. La femme sera de bonne humeur, toujours propre, bien peignée, lavée, ordonnée, raccommodée. Elle n'aura pas de vêtements en lambeaux. Elle sera toujours gaie. Elle saura prévenir les idées de son mari. Elle aura des enfants propres, polis, prévenants. Elle préparera ses repas à l'heure. Et elle guérira sa maison par des veillées intéressantes. On lira de bons livres. On fera des voyages instructifs. Bref, elle fera tout son possible pour ramener son mari à la réalité et ainsi maintenir la joie dans la famille. Peut-être est-ce simplement sa pure faute si son mari est un ivrogne. Entrez. Et si le mari suggère l'accouplement? Acceptez alors avec humilité, tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Oui, mais qui le mari suggère des positions moins courantes? Montrez-vous obéissante et résignée, mais marquez votre manque d'enthousiasme en gardant le silence. Se peut alors que votre mari s'endorme rapidement. Alors rajustez-vous, mettez un peu de crème de soin dans les cheveux, sur le visage, et endormez-vous. Voilà. Oui, et surtout, n'oubliez pas de remonter le réveil, hein? Pour être debout un peu avant lui le lendemain matin, et vous pourrez ainsi tenir à sa disposition sa tasse de thé du matin lorsqu'il se réveillera. Ouais, super bien, ouais. Bah, qu'est-ce qu'on attend là? Allez hop, vas-y, on rentre. Allons-y, les filles. Que l'idéal de la femme blanche, séduisante, mais pas pute. Bien mariée, mais pas effacée. Travaillant, mais sans trop réussir pour ne pas vexer son mari. Mince, mais pas névrosée par la nourriture. Restant indéfiniment jeune, sans jamais avoir recours au chirurgien d'esthétique. Maman épanouie, mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école. Bonne maîtresse de maison, mais pas boniche traditionnelle. Cultivée, mais moins qu'un homme. Cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez. Celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de s'emmerder pour pas grand-chose. Moi, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée nulle part. Moi, je dis qu'elle n'existe pas. Le matin, je me lève en chantant. Et le soir, je me couche en dansant. Le matin, je me lève. Je me lève en chantant, et le soir je me couche en dansant. youpi, youpi. Et le soir, je me couche en dansant. Le matin, je me lève en chantant, youpi, youpi. Et le soir, je me couche en dansant. En rentrant, faut que je me dépêche, car le gosse est à la crèche. Je prépare le dîner pendant qu'il regarde la télé. Le matin, je me lève en chantant, youpi, youpi. Et le soir, je me couche en dansant. Le matin, je me lève en chantant, youpi, youpi. Et le soir, je me couche en dansant. Mon mari encore s'inquiète, qu'à 10 heures je ne sois pas prête, car depuis qu'il est couché, il n'attend plus que moi pour baiser. Le matin, je me lève en chantant, youpi, youpi. Et le soir, je me couche en dansant. Le matin, je me lève en chantant, youpi, youpi. Et le soir, je me couche en aussi Jérémy qui a œuvré, nous avons vu des cacahuètes tout à l'heure, du chocolat, des choses sucrées, bonnes, pendant l'entracte, avant qu'on vienne nous interrompre. Et Michel aussi, la dame qui nous a fourni du pâté, accessoire très important. C'était un mensonge, ça ne venait pas de la camionnette des fermiers. Ceci dit, la camionnette des fermiers existe, il y a un monsieur qui bravo. Mais c'est de la pub. C'est de la pub. Non, bon, on vous remercie donc, tous les gens qui nous ont accueillis pendant 3 ans. Et puis on remercie aussi Alain qui est dans la petite cage noire qui se trouve à côté. Qui a toujours su qui est beau, qui est beau. Et la petite Lise. Et donc qui a toujours su depuis 3 ans, mais bien avant, régler tous les problèmes, quels qu'ils soient techniques, avec vous avez la possibilité. On en fera d'autres. Hein, quand même. Vous avez la possibilité de mettre dans le chapeau de Cyril des petits sous à l'entrée et nous, en échange, on vous offre un coup à boire. C'est pas mal. On vous remercie encore. Merci. Dans des gobelets plastiques qui sont lavables, je ne vous demande pas de les laver, mais par contre, on vous demande de les rendre. Donc, si vous voulez ne pas les jeter, les emporter chez vous. Merci. Merci encore. Eh bien, c'était donc la dernière du Trognon d'Ève, avec la voix que vous avez entendue maintes fois, et c'était souvent comique, malicieux, suave, la voix de Christine, et parfois plus prenant, plus engagé, plus comme cette histoire de cette gamine qui avorte. Et qui traduit un certain désespoir. Voilà ce qui aussi révèle l'âme de Christine, qui exprimait cela dans le théâtre, qui a voulu l'exprimer dans la vie par son engagement. Voilà. Au revoir, Christine, donc.

Thank you.

C'est une rue barrée, c'est ce qu'on peut pas dire. C'est 10 ans purés dans un souvenir. C'est ce qu'on voudrait sans devoir choisir. La mélancolie, c'est un chat perdu qu'on croit retrouver. C'est un chien de plus dans le monde qu'on sait. C'est un nom de rue où l'on va jamais. La mélancolie, c'est se retrouver seul, place de l'opéra, quand le flic t'engueule et qu'il ne sait pas que tu le dégueules en rentrant chez toi. C'est décontracté, ouvrir la télé et regarder distrait un Zitron pressé, te parler du tiercé que tu n'as pas joué. La mélancolie, la mélancolie. C'est voir un mendiant chez le conseil fiscal. C'est voir deux amants qui lisent le journal. C'est voir sa maman chaque fois qu'on se voit mal. La mélancolie, c'est revoir Garbeau dans la Reine Christine. C'est revoir Charlot à l'âge de Chaplin. C'est Victor Hugo et Léopoldine. La mélancolie, c'est sous la teinture avoir les cheveux blancs, et sous la parure faire la part des ans. C'est sous la blessure voir passer le temps. C'est un chimpanzé au saut d'envers qui meurt à moitié, qui meurt à l'envers, qui donnerait ses pieds pour un revolver. La mélancolie, la mélancolie. C'est les yeux des chiens quand il pleut des eaux. C'est les bras du bien quand le mal est beau. C'est quelquefois rien, c'est quelquefois trop. La mélancolie, c'est voir dans la pluie le sourire du vent, et dans l'éclaircie la gueule du printemps. C'est dans les soucis voir que la fleur des champs. La mélancolie, c'est regarder l'eau d'un dernier regard et faire la peau au divin hasard, et rentrer penaud et rentrer peinard. C'est avoir le noir sans savoir très bien ce qu'il faudrait voir entre loup et chien. C'est un désespoir qu'a pas les moyens. La mélancolie, Christine, oui. Et puis, un dernier pour la route. Alors, cette année, machine, là, qui veut pas. Non, c'est pas ça. Donc l'espoir de ferrer, mais si, ça y est. Voilà. Dans le ventre des Espagnols, il y a des armes toutes prêtes, et qui attendent, et qui attendent, et qui attendent. Des oiseaux finlandais vêtus de habanères, des vikings au couteau tranchant la manzanille, des flamenches de Suède brune comme la cendre, des guitares désencordées et qui se pendent, des amants exilés dans les cloches qui sonnent, la mort qui se promène aux bras de Barcelone, des taureaux traversés qui traversent l'histoire, des soleils fatigués qui les regardent boire, un orient de misère à la rote engloutie, les parfums de l'islam crevant d'Andalousie, des pavés de flamenco aux gestes anarchiques, les rythmes du jazz band pour les paralytiques, les tam-tams de l'Afrique à portée de guitare, de l'eau fraîche et de l'ombre à jurer pour y croire, une rue de Madrid avec des fleurs fanées, un fusil de 36 qui revient si près. Espagnol, il y a des armes toutes prêtes, et qui attendent, et qui attendent un accord de guitare au moment où l'on passe. Un passeur langoureux avant le coup de grâce, la bouteille à la mer dans un drugstore indien, un habit de lumière dans l'ombre du chagrin, la fureur pensionnée qui se croit dans la rue, des chansons caraïbes qu'on a perdu de vue, des cigales fuyant le bruit des castagnettes, toutes les Amériques au fond d'une cassette, exécutées à l'aube avec la stéréo. Le silence permis au-delà de Franco, des ailes de moulin plantées sur les maisons, Don Quichotte qui passe à la télévision, une chaîne en couleur pour avaler tout ça, le sang avec la veine d'avoir la corrida, et 100 000 danseurs sur la place publique pour que Christophe Colomb découvre la musique. Il y a l'espoir qui se gonfle et qui gonfle et qui attend et qui attend. Attends. Manuel de Falla. Manuel de Falla. Christine Bourbon, adieu, ou plutôt au revoir. Émission ordinaire de RGM reprenne.